And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. And when I gave them some, they'd know I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And though pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, then I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, on many queers and phony virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd wanna be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, 'cause down below is really nowhere. And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard so very long and flowing. If I became deaf, dumb, and blind because I pitied all mankind and broke my heart to make things right, I'd know that every single night. When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way. Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre, comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout des mots. Tu veux citer Roland Bartok? C'est pas Roland Bartok, c'est Roland Barthes. Bartok, Barthes. C'est pas la même chose. Ne confonds pas l'indifférence et le confort. De Denis Arcand? De Denis Arcand. Es-tu certain? Non. Le jour où je le serai, oui, je risque de ne plus me trouver ici, derrière ce micro, à toutes les nuits de la semaine, en bégoulé ou en robe du soir. Oui, que le sud-est-en. Dans les sandales, avec Ritaboudam, balalala, oui, c'est des dames, tu viens de tes dames, j'entends chanter la nuit dans ma baignoire. Ah, ah, ah, ah. C'est étrange. Plus les gouttes descendent. Parce que j'ai bien peur le jour où, ça, où mes gouttes vont monter. Ah, c'est tabardouche. Hey, ça ferait peur à tout le monde, là. Tu ouvres la chantepleure, parce qu'à l'origine, on appelait ça la chantepleure, hein? Parce que ça faisait... Chante moins fort, chante pleure, car on pourrait bien nous saisir. car l'eau chaude, on sait, aime bien se faire entendre. Elle gémit pour avertir le propriétaire véreux qui viendra frapper à ma porte. Coupe l'eau chaude, là. Coupe l'eau. Toi, là, tu prends des bains une fois par semaine. Je trouve que c'est trop. À l'eau froide, il n'y a pas de problème. On va te saisir à même le tuyau, toi. Ah, non, pas un autre. Oui, oui. Là, moi, les gens trop propres, là, on avait laissé ça. On voulait pas placer ça. On voulait pas que les Québécois prennent cet appartement parce qu'ils sont reconnus. Pourquoi? Pour de l'hygiène. Oh! Puis nous, on n'en veut pas trop, là. Moins tu te laves, plus il y a de l'argent qui tombe dans notre portefeuille. Plus l'argent rentre dans notre portefeuille, plus on est heureux. Heureux? Ben, parce qu'on sait que l'argent mène le monde. Oui. Et que sans argent, on n'est rien. Attendez-vous là, c'est pas une vérité. Ben oui. C'est une vérité pour tous les individus qui vivent dans l'apparence. Dans l'avoir et non pas dans l'être. Hey, moi, là, je veux pas connaître ta vie, là. Je veux savoir qu'est-ce que t'as dans ton compte en banque. Qu'est-ce que t'as chez toi. Possèdes-tu deux véhicules? Parce que moi, là, si ma nouvelle épouse n'a pas de véhicule, j'irai ailleurs, moi, là. Un traîneau de chien l'hiver, parce que l'été, ça roule mal, là. Moi, les skis là-dessus, là, j'ose même pas mettre des planches à roulettes. Ils ont pas de freins, ces traîneaux-là. C'est fait par des pseudo-artisans. Oui. Qui ne connaissent absolument rien dans le gossage de bois. Oh! Et vous? Ah, moi, je vois, oui. C'est pas très compliqué. Attends, montre-moi ça. Là. OK, merci. C'est très... Le gossage de bois, ça commence premièrement par une planche. Oui. Simplement de bois. Oui, de quelle sorte? Du bois d'arbre, là, qui pousse dans les forêts et que nos grands chasseurs de troncs... Oh mon Dieu, des chasseurs de troncs! Ben oui, c'est comme Jacques. Jacques a été chassé? Ah, ben oui. Sa carrière a été dans les cactus. OK. Il y en avait partout, lui. Ah, les cactus régnaient dans sa tête, qui était un peu comme un porc-épic. Et tu connais la vie du porc-épic? Oui, lorsque les dards sont partis. Là, avant que toute l'explosion de cet animal s'amène dans une compréhension de l'animal. Ah, moi, les animaux, là. À part mon ancien colocataire. Méchant animal précaire, ça. Ah, mon Dieu. Et ça faisait même pas ça dans litière à cette heure-là. Ça fait 22 ans. Et lui, là, c'est régulièrement dans le bain, puis il n'y avait pas d'eau. Oh, ça sentait. Moi, je partais souvent parce que je suis un artiste, moi, là. Ah, je fais des tournées, je tourne, surtout dans les bars. 3h du matin. Et c'est ma dernière tournée. Non, monsieur, c'est fermé. Vous allez me laisser rentrer. C'est moi-même. Ben oui, c'est vous, mais là, j'en vois 4. Ah. Moi, j'en vois 5. Plus on dit de fou, plus on rit. Ah ouais, mais pas à 3h du matin. Ben là, s'il vous plaît. Vous n'allez pas laisser un ivrogne à la porte. Oh oui, on va plus qu'à la porte. On va appeler les policiers. Ah non. S'il vous plaît, aidez-moi. Ben, c'est ça, on veut vous aider. Ah, saviez-vous que le langage est une peau? Mademoiselle, écoutez-moi. Mademoiselle, rapprochez-vous de ce micro. Ben non, je m'approche du micro, c'est pas ça. Vous êtes une demoiselle? Non. Est-ce qu'on peut entendre votre charmante épouse? J'en ai plus d'épouse, moi. Là. J'ai plus de vie depuis que j'ai ouvert un bar près de la mer. Oui. Il y avait des sirènes qui venaient. Oh mon Dieu. Elles attiraient la clientèle. Les gens voulaient parler à des sirènes. Y en restait-il ce soir? Ben non. Non, parce que dans le fond, c'était pas des vraies sirènes. Hein? C'était des jeunes danseuses du ventre. Oh! Qui n'avaient plus de haut. OK. Et qu'on payait pour personnifier la sirène. Ah! Est-ce qu'elle parlait? Ben oui, elle parlait. Elle faisait... Monsieur, c'est le cri de la sirène. Oui, mais je crois qu'il nous en reste une. Attendez, là, qu'est-ce qui se passe? On essaie de communiquer avec la sirène. Allô? Oui, OK, on y va. On la pile et basse. C'est même, elle est morte. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Mademoiselle, le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre, comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir. On la refait-tu, celle-là est bonne, oui. La dernière fois. Désir. Oh, allez-y. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Lorsque tu te retrouves au niveau bureaucratique, ben qui? Bureaucratique. Ah oui, moi, j'ai toujours eu des problèmes bureaucratiques. C'est la troisième vertèbre. Vertèbre, c'est pas vertèbre, mais moi, c'est vertèbre. Il y a Tep Toubis qui était mon ramancheur, lui. Un goéland de premier ordre qui arrachait mes billets de dollars et s'envolait avec, comme le goéland. Si tu veux savoir si le restaurant ne vaut pas la peine d'être fréquenté, regarde le nombre d'oiseaux qui gravitent autour. La moulée de clown! Les hamburgers, mon les clowns, ah, mon, des préparés d'avance. Toi, celui que tu connais, c'est le mets que tu connais le goût avant même de croquer dedans. Ah, mon, c'est quoi ça? Ben, c'est du préfabriqué. Il n'y a rien de pire que les cuisiniers pour manger des choses infectes. Pizza surgelée en pochette. Pizza surgelée tout court. Hamburger préparé d'avance par une compagnie, comment dire, pas multidisciplinaire, ah non, non, non, qui ne respecte pas le genre humain et qui met pas du steak à chier, là, ni du cheval à chier, là, mais tout ce qui est dedans est à chier, là. Hey, les pauvres amis payent ça 8 $. Ah, c'est bon, c'est double viande. C'est double galette, oui. Mais c'est pas de la viande. 1984, George Orwell. Ça sent la viande. Mais c'est étrange. Oui, oui, oui. Tout ce qui semble intéressant est étrange. Et, la preuve, cette émission. Hey, ça, c'est vrai. Vous avez raison, M. Beaulot. Mais non, c'est pas M. Beaulot, c'est M. Groslot. Bon, qu'est-ce qu'il a gagné? Des Beaulots. Hey, mais, je viens de descendre de 2 acalbites. 3 niveaux, 2 acalbites. Trop d'acalbie dans cette vie qui nous déchire sans cesse. Cheveux amers de nos mains, de bain, de bain, bain de nos bains. Il y a un client qui me parlait, qui? Il y a un client qui me parlait des petites piafes ce matin. Pauvre homme, il croyait qu'elle était millionnaire et qu'elle croulait sous l'argent. Je lui dis, oh non, c'est une dame très malade, très très malade. Même à la fin, c'était Edith Paf. Alors, lorsque tu te retrouves au niveau bureaucratique, ça tombe en deux chaises au niveau des bars et boîtes de vœux. Okay, qu'est-ce que tu dis là, toi, là, des boîtes de nœuds? Ça tombe en deux frères au niveau psychiatrique et ça tombe sur les nerfs. Attendez, là, qu'est-ce que tu voulais dire là? C'est un texte que j'ai rédigé il y a de ça quelques semaines. Je l'avais il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'était un peu plus graveleux. Graveleux? Abonde en paroles inutiles. Lorsque tu te retrouves au niveau bureaucratique, ça tombe en deux chaises. Au niveau des bars et des boîtes de nuit, ça tombe en deux bières. Au niveau psychiatrique, ça tombe sur les nerfs. Oh, c'est très bien redit, là. Ben oui, je m'en suis souvenu. C'est en lisant qu'on devient liseux. Non, c'est lecteur. Ah non, moi, je suis un liseux. Les yeux des deux yeux. J'ai essayé d'un seul œil, puis j'étais borné. Borné à ne pas comprendre. Je ne saisissais pas la finesse de l'écriture. Et hey, puis cette année, en 2013, là, je reviens d'un voyage. Je ne veux pas non plus vous emmerder avec ça. Là. Mais en septembre, là, je vais insister. Mais à Paris, là, cette année. Oh, cette année à Paris. Oh! Il faisait beau, il faisait chaud, les filles étaient belles, la bière était bonne. J'étais tout, tout, tout, tout, tout. Quelle émission ça va donner? Oh, je sais pas. Pendant 12 mois, mademoiselle. ne m'écrivez pas. Oh, vous allez douter de mon intelligence. Quoique, en 2011, hein, les gens doutaient pas. Non, là, ils pleuraient. En 2012, ah, c'était incorrompu. Non, c'est corrompu. C'était corrompu. Au Québec, on aime ça, la corruption. Où j'ai mis ça, mes feuilles? C'est à l'envers. Ah oui, non, mais non, allez-y. Fais pas ça, pas dans l'eau. Hé, monsieur, comment t'as mis ça? Je le sais-tu, moi. On peut pas passer une pause musicale. Non, lâche les pauses, mon champion, lâche les pauses. OK, on va y aller avec ça. Comme le mentionnait Jim Morrison, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça qu'il disait, mais attendez un petit peu, là. Parlez entre vous. Parlez plus bas que l'on pourrait bien nous entendre. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je commence à prendre des nerfs. Là. On est en direct, madame. Pouvez-vous faire quelque chose? Oui, on va tenter de trouver votre feuille. Oui, merci. Votre feuille. Alors, restez assis, on va vous appeler. Non, on peut pas. Hey, madame, on peut pas. Appelez-moi pas. Je reste à votre bouche. Non, à mes oreilles. OK, je l'ai ici. On mettra ça en ordre tout à l'heure. OK! On y va! On va essayer. On peut pas ouvrir le... Ouais, on y va. Attends, arrêtez de dire... Puis attends, madame? Ouh, c'est ça quand on place le four au maximum, là. Ça fait chauffer les cheveux. Ça fait brûler les tympans et couler la lunette. La lunette, Madame Tremblay, là, ça se situe directement au niveau du nez qui, lui, en haut de tout cela, au grenier, se trouve deux yeux ronds, petits patapons, qui regardent partout, par-devant, par-derrière, par-dessus, par-dessous. Et j'ai aussi également, en haut de ces yeux-là, Une belle banane. Qui? Banane. Catherine Fortin. Non, c'est Catherine Léger. Philippe Catherine. Je ramasse les bancs. Non, mais laissez-moi frotter ma banane. Non, mais laissez-moi. Ça va bien, oui. Pendez la bête. 19 juillet, là, je suis couché sous la lune. J'ai tenté d'ouvrir la chante-pleure, et puis elle pleurait, chante, pleures-tu, et j'ai crié qui? J'ai crié à Madame Thibodeau, s'il vous plaît. Je vais prendre deux cocktails. Ben oui, vous êtes seul, j'attends quelqu'un. Deux cocktails. Lesquels cocktails? Les plus énergisants. Oui. Puis, excusez-moi, les plus alcoolisants. Pardon? Les plus alcoolisants. On comprend pas. Mettez-en. Bon. Aujourd'hui, le vendredi 19 juillet 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et je suis très heureux. Je vibre actuellement. Sentez-vous? Ben oui, mais ça, ferme-la. Fermez quoi? Le jouet. Fermez-le. OK. En fait, je voulais l'essayer avant de remettre ça à ma recherchiste. Ça fonctionne bien, hein? Oui, mais ça excite. Ça excite. Imaginez-vous, elle ne sortira même plus, là. La semaine prochaine, on va la perdre. Et c'est son anniversaire en plus. Oh, c'est un beau cadeau, ça. Oui, mais c'était audacieux. Audacieux? Tu me dis audacieux à moi? On est en 2013. On offre toutes les extravagances qu'on peut bien imaginer. En 2012, qu'est-ce que j'ai donné? Les grands moments de l'émission Errance rénaldienne. Elle m'en a presque voulu. Elle dit, je te connais par cœur. Je sais, t'es tic nerveux, t'es tic narratif, t'es tic tout court. Puis arrête, lave-toi. On peut pas ouvrir l'eau chaude, mon propriétaire me le dit. Ils voulaient louer ça à des extraterrestres. On sait que les extraterrestres sont pas très propres. Ça sent l'extraterrestre. Oh. Hey, ça se lave même pas les pieds, ces affaires-là. Ça fait... Monsieur? On s'en remarque. Savons-nous les sexes de ces bébêtes-là? C'est pas des bébêtes, c'est des... Ça n'a pas des cheveux, ça, ça a comme un gros plastique en avant. Puis un plastique qui peut même pas fondre. J'ai essayé, moi, avec la torche. Non, pas mon... Non, la vraie torche là, qui allume puis qui y a du feu là, à l'intérieur. En fait, c'est pas du feu à l'intérieur, c'est du gaz. Parce que s'il y a du feu à l'intérieur, ça va exploser. Puis si ça explose, imaginez-vous mon visage qui est déjà passablement atteint par la vie. Regardez-moi ça, là. C'est beau, hein? Le visage, regarde, je ne souris plus. J'ai trois dents à l'intérieur de la baboune. J'ai les lèvres, je suis comme Nicole Midman, moi. On m'a placé du collagène comme Nicole Midman. L'avez-vous vu au festival de Bannes, Nicole Midman? Eh, monsieur. Il y avait des photos très intéressantes de la vedette. Moi, après, les yeux qui clignent en hiver, là. Mais non, c'est de Stanley Kubrick. Oh oui! Oui, la belle! Elle n'avait pas entrepris des gros travaux sur ce visage-là. Mais quand elle a fait... C'est quoi, c'est une brésilienne? Mais non, c'est une osbalienne. Ah oui, c'est l'osbalienne. Le titre portait le nom de la nationalité de la vedette, là, osbalienne. Elle a demandé à son pharmacien préféré, qui était Junkie, de lui placer du collagène à même les lèvres. Puis lui, il était parti dans un trip de Nico, là, puis quand il l'appelle Velvet on the Bound, elle pressait sur le bouton. En fait, la seringue, Nicole, elle sentait ça, que ça grossissait, elle se voyait même plus les yeux, là. Tout était bloqué. Le gars, il dit, excuse-moi, Nicole, on se voit. Oh, menton, t'es la vedette de le prochain film, là, qui s'appelle L'Osbalienne. Comment je dois monter? Ben, tu te feras doubler. Puis là, des années plus tard, elle chassait ses 10 idées noires en chantant. Et c'est très inquiétant de se faire traiter de baboune. en gougoune. Ben oui, hey, Nicole qui se promène en gougoune. À ta flash. Les babines aussi, à ta flash. Tout était à ta flash. Oh! Puis elle flash plus depuis ce temps-là. Oh! Et comme Emmanuel Méard. Oh, c'est la seringue est rentrée dans les lèvres. Elle s'en va dans le Bronx, elle a reconnu tout le monde. On te connaît, toi, là. Emmanuel Papa. Il est grand de se faire devant le troupeau de belleur. Il est train de se faire. Il est con de se voir dans un miroir déformé. Il est con de se voir dans son mémoire. Moi, j'ai la mémoire qui tourne et je sais pourquoi. Oh, quel beau quoi. Alors aujourd'hui, le vendredi 19, on l'a dit, elle l'obtient... on n'a même pas dit qu'elle... Oui, c'est vrai. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne Salima Boudbal. Elle obtient un premier prix d'art dramatique à l'unanimité au Conservatoire régional d'Orléans, où elle a suivi les cours de Nicole Mérouz. J'ai eu peur. Je pensais que c'était Nicole Bidban. Ah, c'est Bidban rendedant. Tant pis pour les prudents. Bidban brisé, c'est le temps de la musée. Et Jean-Claude Cotillard, elle suit également des stages proposés par le CDN d'Orléans, alors dirigé par Stéphane Brousswing, et travaille avec Claude Duparfait et Laurent Gutmann. Elle rencontre alors les comédiennes avec qui elle créa le cabaret Sissinono. Et ça me va bien, moi, Sissinono. Si, si, non, non, bye, bye, bye, oui, je ne peux pas partir, ça plaint pour moi, si, si, non, non, non, ça plaint pour moi, si, si, non, non, ni, non, non, non, non, non. On continue. Zamblin au théâtre, elle travaille entre autres avec Cécile Barquès, que j'ai pas rencontré, mais dont la mise en scène fut. Je peux pas vous raconter, moi là, j'ai la tête qui bisboune. Et puis Laurent Vaché, Alain Goldsberger, Édouard Baer et Jean-Claude Brugbert pour le cinéma. Elle travaille avec Alain Gomis et Gérald Oustachou Mathieu. Excusez-moi d'avoir massacré tous vos noms et prénoms. Mais, bon, OK, on y va. Calme-toi. Oui. J'ai même pas relu. Ça se voit. Non, ça se voit pas, mon petit champion. C'est professionnel. Tu auras un travail à Radio Katna. À tous les lundis soirs, à 2h15 du matin jusqu'à 2h30. Tu seras obligé de dire Claude Cotillard et puis CDN d'Orléans, Brunchman Green et Claude Duban. Et puis donc, elle a été artiste associée au Théâtre du Peuple de Boussagne pendant 2 ans. En 2012, la metteur en scène de Cécile Barquès, la metteuse en scène, ou la metteur, moi je préfère dire la metteur en scène quand même, Cécile Barquès retrouve Salima pour King Kong Theory. Nous entendrons à la toute fin de l'émission un bel extrait de 9 minutes de la pièce de théâtre que j'ai vue! En 2012, j'étais là, première place. C'est moi qui riais. Puis là, c'était pas drôle, là. Il faut dire que j'étais totalement hors norme. J'avais fait 18 entrevues au soleil, sans calotte, sans capuchon, sans eau, sans rien. Je tremblotais, j'avais des spasmes. Et puis donc, en 2012, Errance Renadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. C'est l'été, estival. Oh, faut-il s'arrêter et laisser le générique nous envelouter? Ah, envloute-moi ça, mon petit Gaétan, envloute-moi ça. Puis place un beau champignon là-dessus, là. Brûle-moi ça au chalumeau. Puis fais partager ça aux amis. J'allais te dire, heureusement qu'il y a eu une traduction dans ma tête, là. Sinon, les courriels se seraient ramassés à la pelle. Alors, place à la musique! il faut comprendre que lorsqu'on dit des choses underground et aussi véridiques, on peut pas entendre de violon, il faut entendre du rock, il faut entendre du grunge, il faut entendre... il faut voir la nuit, il faut voir le sale, faut être dans la vie. Donc, souvent, la vie, c'est pas la subtilité. Ah, et Dieu merci. Bonjour, je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Un allongé? Ouais. Eh hey, bien, bravo, hein? Merci. Bravo, parce que je vois, en venant ici à Paris, à chaque soir, je vais voir une pièce de théâtre. D'accord, OK. Mais là, je suis, à partir de demain, j'ai plus rien, mais j'ai vu une pièce de Michel Tremblay, un Québécois. Ouais. J'ai vu... Une belle-sœur? Non. C'est monté par des Français. Mm-hmm. C'est « À toi pour toujours, ma Marie-Lou ». C'est où, ça? Bonne question. Faudrait que je regarde mes références. Et, ben, en fait, les théâtres. Hein? Comme là, aujourd'hui, je vais voir Calamité James. Ah oui, d'accord, OK. Et je vais voir aussi, parce que c'est au même endroit... Ah, en fait, tu viens et tu vois plein de pièces de théâtre? Entre autres. D'accord. Je vais voir des spectacles. Oui, et du théâtre vivant, bref, tout ce qui est... C'était King Kong Comédie, ben c'est toi. j'ai vu Colors aussi au Petit Gymnase. D'accord. Bon... Et j'ai vu La Femme du Boulanger. D'accord. Galabru. D'accord. La dernière. Ah ouais. C'est quand même bien. Hey, j'ai vu aussi la dernière. C'était au théâtre Méricourt. Rue de la Folie Méricourt. Ah ouais. D'accord, OK. À la Folie Théâtre. OK, et, d'accord. Et j'étais à la dernière. Et c'était bien? C'est bon, tu vois? Mais écoute, j'avais beaucoup d'attentes. Michel Tremblay, c'est un auteur québécois. Ouais, moi j'adore Michel Tremblay. Connu et reconnu, mais peut-être moins en France. Ensuite, il est connu quand même. Ah oui? Merci. Ben pourtant j'en ai parlé, j'ai rencontré Jean-Claude Dreyfus. Ouais. Tu as cette place? Ouais, c'est bon. OK. J'ai rencontré Richard Dreyfus il y a 2 ans. Il connaissait pas Michel Tremblay. Ah, ouais. Mais moi, ce qui me plaisait là-dedans, je voulais l'associer parce que c'est un homme qui aime se déguiser en femme. Mm. Le travestis, le côté travesti de du théâtre. Puis le travestissement, c'est ce que je cherchais comme être. Et donc je voulais lui parler de Michel Tremblay qu'il connaissait pas, donc ça c'est vite. Mais c'est pas grave, ça reste un homme extraordinaire, généreux, qui peut te mettre à chanter sans aucun problème. Et là, quand j'ai eu une chanson de Dreyfus, j'ai dit on a le filon, c'est merveilleux, on est parti. Parce que lorsqu'il s'ouvre et la générosité commence à se présenter, ben c'est ça. Et là, tu te dis est-ce que tu viens souvent ici en passant, au charbon? Oui. Ah oui? Je suis souvent là, en fait, moi. Ah oui? Ouais. Mmh. Sur la terrasse, j'aime bien, en fait. Ouais. Le soir pour prendre l'apéro et trucs comme ça, quoi. Puis ici, un peu moins. Si, j'aime bien, mais en fait, je viens plus l'hiver ici parce que j'aime bien être dedans. OK. Là, c'est très bien, là. C'est super, hein? Ouais. Moi, ben, parce qu'il y a des acteurs, des actrices, des comédiens, surtout des musiciens qui aiment bien fumer. Oui. Donc, oui. L'extérieur. Ben puis, voilà, oui, t'as bien fait parce que je pense que je vais m'en fumer. Ah, tu fumes? OK. Et ce que je trouve aussi, c'est les bruits ambiants. Ça, c'est merveilleux. J'adore les bruits ambiants. Donc, tu vas entendre peut-être un éboueur ou des cris ou. Un chien qui jappe. Hey, t'es du premier prix de... Tu as gagné le premier prix du conservatoire, mais Arléans. Oui. Même classe que Marion Cotillard. Oui, ben oui. Mais elle a pas eu le premier prix, c'est moi qui l'ai eu. OK. Et blanc dans la gueule. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu viens d'Orléans, Ouais, en fait, je suis de... Je suis née pas très loin de Paris, à 50 km, à Chantilly. Et après, mes parents sont partis dans le centre de la France. Donc j'ai commencé mes études supérieures à Orléans et c'est là que j'ai porté le conservatoire là-bas, quoi. Et ton nom est d'origine? Alors, mon père est algérien et ma mère est slovène. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait dans une famille, tout ça, dans une maison? Ça fait, quand on est des flamèches? Non, ça se passe très très bien. Okay. Mon père est musulman, ma mère est catholique. Oui, c'est ça. Mais ça se passe très bien. Comment ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés... Mon père était travailleur immigré, il était dans un foyer Sonacotra, c'est un foyer pour immigrés. Ma mère faisait le ménage, ils ont eu une histoire, ma mère était mariée. Ah. Donc il lui a demandé de quitter son mari, elle a dit non, ils se sont séparés. 2 ans après, il était sur une terrasse d'un café, elle est passée, elle allait faire son marché, elle lui a dit qu'est-ce que tu fais, elle lui a dit je t'attends, elle a dit bah je viens. Et ah voilà. C'est beau. Ouais. Ah c'est beau. Et ils sont très amoureux. Encore aujourd'hui? Ah ouais. Après quoi, 20 ans? Ah, plus que ça. Ok. Et toi, le côté artistique s'est développé à Orléans ou s'est développé plus tard à Paris? J'ai toujours pu faire de la scène. J'étais toujours veux être danseuse classique. Ah, mais tu danses aussi la, ouais. La danse orientale? Oui, je fais de la danse orientale, ouais. Et sur professionnel, tu savais plus, hein, tu t'en rappelais plus? Si, si. Ah, je te l'ai rapporté encore des fois. Ah, c'est vrai. Mais ça se voit sur scène. Ouais. Hier, je l'ai remarqué. J'ai dit, bon, c'est quand même intéressant de. Ouais, ouais, bah, c'est complémentaire, hein, de toute façon. Hein. Et là, je me demandais pourquoi, on va revenir à pourquoi on m'a dit, je suis arrivé 20 minutes avant, vous entrez uniquement dans 5 minutes avant la représentation. Je commence 5 minutes avant. Et là, quand je t'ai vu sur scène, je comprends, tu marches pas pendant 20 minutes. Ben oui, là. Oui, non, c'est non, ça. OK. Et là, j'ai tout compris. Là, il y a des gens qui sont arrivés encore en retard après. Oui, mais comment tu prends ça quand les gens arrivent en retard? Tu les vois, du premièrement? Je les vois entrer en haut, ouais, derrière. Mais ça va, si ça n'y a pas trop de bruit, si c'est un moment où il y a de la musique, j'entends pas trop, quoi, tu vois. Parce que j'ai les retours dans les oreilles. 55 minutes, c'est vraiment du concentré. C'est un texte que tu fais avec beaucoup de véhémence, beaucoup de mise en scène très sobre qui amène les mots à travers la crudité. Le côté fauve, le côté urbain, mais je veux pas en parler immédiatement, je veux commencer parce que là, il y a plein d'idées. Là, mais toi, attends, on peut parler de toi aussi un peu, 2 minutes? Oui. Toi, parce que ton émission, moi j'ai regardé sur... C'est merveilleux. J'ai regardé sur Internet. Oui. Et donc, du coup, j'ai vu des extraits d'émissions. Non, mais là, ce que tu as vu, c'est pas la partie parisienne que tu as vu, c'est la partie studio. D'accord. Alors, mon émission, c'est pas compliqué. Oui, parce qu'en fait, je sais pas. OK, non, mais il y en a plusieurs. Même après 7 ans, les auditeurs savent pas. Et c'est la beauté de la chose. Non, mais c'est génial, parce que je me suis dit, mais... Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Qui c'est ce mec? C'est ça. Pourquoi il contacte sur Internet? Je le connais pas. OK. Comment il a trouvé le truc et c'est tout ça? Ben, écoute, on trouve toujours. Hein, sur Internet, là, les gens qui trouvent pas, c'est des dépassés par le cybernétique. Moi, je me suis rapidement rattaché à ça parce que je trouve que c'est un moyen direct d'aller voir, de... Mais... Non, mais vas-y, hein, tu peux répondre non. Ça... Il y a aucun problème. Ouais. Sens-toi à l'aise, hein? Non, il n'y a pas de souci. Okay. Je me sens très à l'aise. Donc, mon émission, rapidement. Ouais, vas-y, moi, premièrement, tu te trouves à CKRL. D'accord. OK? CKRL, c'est la première radio communautaire francophone au monde. D'accord. Radio communautaire, c'est une radio associative. Les radios libres que tu connais, que tu as connues dans les années 80, mais toi, tu es plus jeune, donc... Ah non, tu rigoles ou quoi? Ben, écoute, je suis plus vieux que toi. Mais... À quel âge? 45. Oui, ben, t'es pas beaucoup plus vieux que moi. Je vais avoir 42, moi. Et qu'on se préserve, hein? Eh ben oui! Je sais pas que ma recette à moi, j'en ai pas, là, mais la tienne, je vais la prendre en note. Mais je trouve que les filles vieillissent... La vieillesse des filles est plus visible que la vieillesse des... Ah ben oui. Je ne veux pas non plus faire ma Virginie des Pentes. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que... c'est ça, mon émission, qui est CKRL, la plus vieille. Et donc, des Français, des Suisses et des Belges sont venus à Québec, à CKRL, pour voir comment on faisait cette radio-là, qui était une radio éclectique, explosive, qui fréquentait des sentiers hors normes. Parce qu'on voulait pas être commercial. Ouais. Donc, Céline Dion ne joue pas chez nous. Alors, nous sommes libérés de bien des troubles sonores. Et donc, les gens ne viendront pas sourds grâce à nous. Ça, c'est bien. Et Garou non plus. Et au pire, Johnny Hallyday, mais ça, c'est à la limite. Là, mais une limite très difficilement franchissable. Là. Peut-être du côté... parce que moi, j'aime bien jouer sur le double sens. Johnny, pour faire kitsch. Ouais. Parce que c'est un kitsch. Ah ouais, ouais, mais si tu le vois à la première personne, tu vois, c'est un vrai mec, comme tu parlais, de les vrais mecs, le rock'n'roll, crache à terre. Ouais. Ça. Moto, femme superficielle et bagnole. Uh-huh. Johnny Hallyday. Bon, OK, bref. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on est rendu avec des images, hein? Des gens qui sont mourants sur le paquet de cigarettes. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Ou un cœur d'un fumeur. Ouais, de... Mais nous, on a ça normalement derrière. Mais là, y a... Non, mais nous, ça, l'image doit prendre plus que la moitié du paquet. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, on sait que fumes-tu, donc c'est pour ça qu'on fume. Moi, ma belle me suce. Voie lactée, émeraude. La séance est avant l'aube. Les insomniaques s'amusent, mais moi, ma belle suce. Et moi ma bohème sud. Hey! La terre pivote et tout tourner. Les armes éclatent. Une arme espère et l'autre rêve. Les armes blâment. L'espace garde en otage le lunatique en son orage. Et le dauphin flot sous les mains d'eau que la lune suit de ses flambeaux. Oh les bonheurs célestes, oh cliffonnier dans ma cambeuse. Le temps prend l'homme illuse. Que le temps prend l'homme illuse. Mama. Merci beaucoup. c'est une radio communautaire associative qui se distingue depuis 1973. Et mon émission, parce que j'ai fait des chroniques un jour, il y a 20 ans, j'ai arrêté, puis on est venu me chercher parce que je travaille avec la clientèle. Je travaille dans un milieu underground. D'accord. Je suis caissier dans une sorte de pigalle québécois. D'accord, okay. Donc, avec les putes, les junkies et tous les dérivés. Donc, je connais bien cet univers-là. Quand je suis allé chez vous, je travaillais. Donc, non, je me disais, je suis encore au boulot, ils vont me payer, je serai rémunéré. Je vais avoir quelque chose dans mon compte de banque. Et donc... parce que l'histoire des jeunes filles là, qui se font violer, là, moi, je fais ça depuis 25 ans et j'ai eu sept jeunes filles qui se sont présentées chez nous. Il y a même des prostituées qui se font violer dans nos... Bon, en tout cas, bref, c'est une autre histoire. Mon émission, OK, on va revenir à mon émission. Mais ça, c'est pas grave, hein, c'est le but, c'est des errances. Donc, on marche, oui, ben puis bon, parle, hein? On parle, c'est ça. On parle pour parler. Il y avait une émission au Québec qui s'appelait « Parler pour parler ». Et le Québécois est très fort pour parler, pour parler. Et donc, mon émission se veut 60 minutes de musique et 60 minutes d'improvisation. D'accord. Alors, les improvisations, c'est autant des ateliers d'improvisation. Moi, je suis un peu comme deux créateurs qui l'ont dit avant moi. Moi, c'est les mots qui amènent les idées. Uh-huh. J'ai pas d'idées, mais c'est les mots qui... D'accord. Alors, je m'accroche aux mots et je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Et donc, ça fait des choses, comme tu vois, survoltées, souvent surréalistes. Ionesco, nous, c'est Claude Meunier, un humoriste québécois qui a placé deux idiots, ding et dong, deux personnages, deux clowns habillés avec des peaux de vache qui se lançaient la réplique. C'est dans les années 80. Le club des AA, ça s'appelait le club des AA. Le lundi, les gens allaient rire. C'était sans place, un théâtre où on pouvait retrouver un public de 100 individus. Et tranquillement, ça s'est augmenté. Et il y a eu Juste pour rire, que tu connais, bref. Oui, l'émission, là, ouais. Ben, c'est au mois de juillet, c'est un événement, juste pour rire. C'est comme les francopholies. Oui, c'est okay. Un truc avec des comiques. J'ai déjà regardé ouais. La télé. Ben, il y en a qui disent au Québec, on a beaucoup d'humoristes, mais si peu d'humour. Beaucoup d'humoristes, mais si peu d'humour. Les Québécois? Non, mais il y a beaucoup d'humour, OK? Il y a beaucoup d'humoristes, mais si peu d'humour. Parce que beaucoup d'humoristes se croient rigolos. Et moi, j'ai vu un spectacle de Jamel l'année dernière et c'était de la merde. Ah, mais moi, Jamel, je ne suis pas drôle, là. Non. Ben, il fait des spectacles rigolos, là. Tu payes pour... Ouais, mais c'est ça qui est bizarre, je trouve. Ouais. Parce que, moi, je le trouve pas. C'est pas mon humoriste préféré. Moi non plus. Mais bref, CKRL, c'est ça. Mon émission, c'est ça. Et ce que tu vois, c'est parce que les gens se demandaient si j'étais seul à faire l'émission, parce qu'il y a des personnages bien entrecoupés avec la profondeur sonore. Donc, le but, c'est de faire quelque chose de classique, hein? C'est-à-dire d'amener les chansons, vous venez d'écouter, blablabla, mais moi, je veux pas. Donc, il y a des personnages qui viennent entrecouper parce que des petits jokes connaissants qui savent tout à propos de n'importe quoi. Et là, tu te rends compte que boucle là parce que tu sais pas plus que... Bon, mais ils veulent s'exprimer, donc c'est la place idéale, c'est ça. Et donc, je filme, j'ai commencé ça la deuxième semaine de mon émission il y a 7 ans et demi, 8 ans, parce que les gens ne croyaient pas que j'étais seul. Ah ouais, d'accord. Donc, ils se rendent bien compte qu'il y a beaucoup de personnes, mais c'est le même qui fait ça. D'accord. Donc, c'est une schizophrénie radiophonique. Ah ouais, super. Maîtrisée. Après, c'est fini. Là, je commence pas à parler de mon micro. Là, ouais. Et donc, je viens ici à Paris rencontrer des artistes et ces 20 minutes-là de rencontre se trouvent entrecoupées de musique. Donc, ça fait un bloc de 60 minutes de musique, 60 minutes d'impôt, comme je te l'ai dit. D'accord, OK. Et ça, c'est le plus réglo. Donc là, les gens, à l'heure où on se parle, pigent ce que l'on dit. À l'émission, ils ne comprennent rien, ouais, mais là, ils comprennent qu'il y a deux personnes, puis que j'ai vu une pièce de théâtre hier et que tu es une comédienne, et d'accord, voilà, tu as okay. eu le premier prix. Et donc, tranquillement, toi... Alors voilà, c'est ça, point à la ligne. Et toi, tu t'es adonné à quoi? À jouer la comédie lorsque tu étais petite, à déguiser en princesse? Ouais, quand j'étais petite, en fait, moi, je voulais faire de la scène, jouer de danseuse classique. Et puis, en fait, j'ai fait beaucoup de danse classique, et ma prof de danse, quand j'avais passé le... Opéra de Paris, elle a dit non, elle est très douée, tout ça, mais elle n'y arrivera pas, elle est trop grosse. Bon, ok. Donc, j'ai arrêté la danse, enfin, un temps. Ouais. Et puis... Il y a une différence entre grosse et grassette, hein? Parce que t'es pas grosse. Non, mais pour une danseuse classique... Ok, oui, anorexie, c'est vrai. Ouais. Et toi, tu es... J'ai toujours été ronde. Ok. Donc, voilà. Et tu l'assumes? Maintenant, ouais, je l'assume. Mais tu l'as pas toujours assumé, adolescente, non? Non. Adolescente. C'est l'horreur. À cause des garçons, tu... Ouais, non, pas qu'à cause des garçons, à cause de moi aussi, je me trouvais moche. moche et tout ça. Enfin, tu vois, je trouvais que je faisais masculine. Donc, non, ça m'a un peu gênée, ouais. Puis mais après, quand tu... Oui. Voilà, maintenant, j'assume complètement. Mais quand tu fais Virginie Despentes, ouais. Cette pièce, ben, c'est toi, donc ah bah oui. Tu te sens à l'aise. Ah bah, tu dis, hey, elle m'a trouvé, elle a écrit pour moi. Ben non, mais sans déconner, ouais. Ah ouais. J'ai eu le texte, je me suis dit, putain, il y a plein de trucs, c'est vraiment moi, quoi. Donc ça me touche, ça me parle, et c'est un truc que j'ai envie de faire passer, parce que je trouve qu'il y a des idées dedans qui sont intéressantes, et que tu vois que c'est pas mal, parce que ça peut permettre à certaines personnes qui n'ont pas de réflexion sur eux-mêmes, ou sur la place de la femme et la place de l'homme, hein, parce que c'est pas que les nanas. Eh ben, je trouve que ça, c'est une bonne ouverture pour aller ailleurs, quoi, pour réfléchir sur d'autres choses, peut-être. Hein? Oui, oui, mais le public, j'ai évalué hier, assez jeune. Ça dépend des jours, en fait. Mais écoute, il y avait 3 personnes de 45 et plus, ouais. Beaucoup dans la vingtaine, surtout des filles. Ouais. Il y avait un petit clan de filles là, qui riaient. Et même quelquefois, ils ne riaient plus. Là, ouais, ouais. Lorsque tu les piquais en montrant les filles modèles, les filles bien, bien stylisées. Donc là, ça riait moins. Qu'est-ce que tu dis là? Mais sur scène, tu te sens à l'aise. Puis même le début, tu attaques, tu arrives devant le micro et bang! Voyons, OK, ça commence. Là. Donc tu nous fiches. C'est vraiment du choc. Un choc, c'est... Mais c'est pas une pièce que tu viens de monter. Ça s'est fait en 2010 à Avignon. Ouais. Ça s'est fait en plusieurs temps d'ailleurs, même ça s'est fait même avant. Ça s'est fait en 2008. On a commencé, on a fait une première présentation. Où à Avignon? Non, à Épinal dans les Vosges. Le jour de la présentation, on fait un filage et je me suis fait un claquage au mollet parce que je courais à un moment donné. Et du coup, j'ai fait tout le truc assis sur le canapé. La première tout assis sur le canapé, puis en fait, ça a super bien marché. Et du coup... Mais comment tu faisais pour prendre le micro? Le micro était pas loin? Le micro était sur le canapé. Ok, classique. Et en fait, après, comme c'est un truc qu'on a fait, on a trouvé le texte avec Cécile, et puis on s'est dit, c'est intéressant, on pourrait essayer de travailler dessus. Mais c'était pas un projet où, tu vois, elle avait réfléchi, monté le budget, machin, nanana. On a commencé à répéter un peu pendant qu'on répétait une autre pièce. Laquelle? Sheet de... Oui, je l'ai vu. Oui. Et du coup, on a fait cette première étape. Après, elle s'est dit, ah bah tiens, Avignon, pourquoi pas. C'est en 2010. Deux ans après, tu vois. Oui, 2010. Et du coup, on a fait Avignon. Bon, ça a bien marché. Et bien là, ou très dit, bien marché? Ça a bien marché, okay. Pas très bien marché. Une salle de combien? Bah, c'était une salle à peu près comme celle-là. Hey, on est confortable, les salles sont incroyables. Hein? Ouais. On se croirait au cinéma. Ouais. c'est merveilleux. Il y a pas mal ce petit théâtre. Oui. Et par la suite? Et du coup, on a attendu un peu les retours d'Avignon, tout ça. Et puis, on s'est dit, il faut tenter à Paris parce que c'est peut-être plus pour un public parisien quand même. Tu vois, il y a un urbain. Truc quand même. Ouais, urbain. Ah ouais. Virginie Despentes aussi, c'est un... Voilà, tout de suite, ça... Ça rentre. Ouais. Comme ça rentre au poste, comme chez nous. Mais de 2010 à 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, de 2010 à 2012, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mais avant 2010, tu as joué, parce que j'ai regardé, mais Cécile, vous êtes souvent en collaboration. Ah, oui, on travaille très souvent ensemble. Comment ça? Pourquoi? Bah, en fait, on s'est rencontrés il y a... Je suis metteur en scène, en passant, pour les auditeurs. Là. D'accord. Okay. Okay. Mais c'est vrai, c'est une metteur en scène? Oui, c'est une metteur en scène, okay. Bien sûr. C'est une metteur en scène qui a fait beaucoup de projets, qui fait des choses très très variées, très différentes, qui aime beaucoup le punk, le rock et tout ça, qui aime beaucoup la musique aussi, et qui aime les textes engagés, quoi. Donc on a fait, premier truc qu'on a fait, on faisait un cabaret de filles, moi avec d'autres comédiennes, elle est venue voir, et on s'engueulait, on était quatre nanas, on s'engueulait. Une improvisation? Non, c'était plutôt des trucs un peu... c'est pareil, on voulait parler un peu de la place de la femme, mais c'était plus physique, quoi. Tu vois, il y avait des trucs, c'était plus visuel, on dansait, on faisait des trucs un peu porno, mais enfin, c'était soft, quoi. Ouais. Mais voilà, et elle nous a vus là-dedans, et en fait, ça lui a donné une idée, elle s'est dit, tiens, les petites filles modèles, ça pourrait être pas mal, tu vois, genre, à côté de Seigneur, rien à voir, mais... Ah oui! Donc, et elle a fait une adaptation, elle nous a proposé, donc on a fait ce spectacle, c'était un très bon spectacle, ça a très bien marché. À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous de raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde les jets d'eau. Il y a du soleil, bip bip. Oh, n'effrayez pas les petits oiseaux, bim-boulé. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron. Elle fume le cigare, elle a des tout petits yeux tout ronds. Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner. Il y a du soleil, bip bip. Oh, vraiment, je ne suis pas pressé, bim-boulé. Et la fille d'à côté, en voiture décapotée, d'un air exaspéré, me fait signe d'avancer. Mais c'est déjà trop tard, encore un peu vers le passé. Elle a des yeux, bip bip. Ouh, elle est prête à me fusiller, bim-boulé. Ça fait plus d'un quart d'heure que dans la circulation. Je voudrais bien lui faire un peu de conversation. Mais c'est la pluie d'orage qui vient tout arranger. Il pleut des sauts, bip-bip. Ouh, la pluie lui tombe sur le nez, bim-boulé. Elle est désemparée, qu'elle est belle sous la flotte. Je vais aller l'aider à remettre sa capote. Bientôt dans son abri, la voilà qui me sourit. Je suis trempé, bip-bip. Oh, j'ai l'air d'un bon gros chien mouillé, bim-boulé. Et voilà le feu vert qui vient de se rallumer. Je passe la première et chacun de son côté le signe de la main. Au revoir et à demain. Ouais, ouais, ça va, hein. Il fera soleil, bip-bip, bim-boulé. Bye-bye. Bye. Ciao, bambine. Arrivederci! On reviendra, hein? Dis, on se reviendra. Aïe, hein? Je me suis acheté un petit toutou, là. Et puis, j'avais oublié la laisse. Ben, tu parles d'une belle idée d'oublier une corde quand t'as acheté un jappeux. Fait que là, j'ai dit à mon mari, je peux-tu enlever ton collier puis le placer au niveau du cou du chien? Et il m'a dit, j'en avais un. Ben oui, t'en avais un. Tu es à moi, tu es ma bête. Oh, OK. Ben, j'aimerais pas que tu me l'enlèves puisque je suis à toi. Non, c'est fini, là. Regarde le petit bébé, là. Je l'ai appelé Blublus. Amando, Blublus. Viens-t'en, Blublus, il vient plus. Blublus. Mais ben, non, on dirait que tu bloucoules. Bloucoules, Blublus. Arrête donc, on dirait que t'es une imbécile. Écoute, on va prendre ta laisse, là, puis on va le donner au chien. Ouais, mais moi, que serais-je sans toi? Oh, si tu viens à ma rencontre. Que serais-je sans toi? Qu'un pauvre dormant. Ah, mon Dieu, Patrick Dormant. Mon ami Patrick Dormant. Monsieur le Président, Monsieur les patro-catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme rénal de Le Néant Gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Le Néant Gagné. Très important à dire. Ben là, oui, mais ça finit comme ça. Il n'y a rien qui finit comme ça, madame. Tout commence par... Il était une fois... Dans ma petite tête... qui est devenue tranquillement une grosse, plus grosse que l'autre, là, la gigantesque, là, qu'on peut pas nommer. Ben, on peut la nommer, OK. Celle qui a une renommée internationale. Ben, moi, j'allais dire mondiale. Mon Dieu, vous précipitez dans les termes. Bon, au début, je me précipitais dans les temps, puis après ça, je me suis prêté, Qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas, je court-circuite par instant, par des moments ininterrompus de mon intelligence. Mais c'est très, très long, vous. Oui, c'est très long, dit-il à son emprunteur. Nuit et jour, à tout venant, je plaise. Vous plaisez? Je plaise. Vous plaisez quoi? Ben, je plaise des petites plaques un peu partout. Enfin, c'est des symboles. Des symboles de gens heureux. des sourires, des lèvres, des chagrins, de l'espoir. Enfin, quelque chose qui nous ramène à l'humanité, tout, en tout premier lieu, au paradis. Avez-vous déjà joué au paradis? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est paradis. À l'école, dans la cour, l'école. Moi, j'étais collé à l'intérieur. Moi, on me disait « Rédige, mon... » Rénal, rédige. Rédige des poèmes de Montesquieu. De qui? De Montesquieu. Montesquieu? Pas Montesquieu. Montesquieu. Tiki. Enfin, rédige à partir de la queue, de la plume, que l'on appelle crayon. Ah non, que l'on appelle... je sais pas, encre. Non, la queue. Ben, la queue que l'on appelle... Plume. Un cœur de rock. Noyé dans le blues. L'esprit sucé par mille ventouses. C'est l'Amérique. Je gratte ma vieille guitare en pensant aux fleurs du bel âge. Et j'aime me laisser bercer par les sentiers légers de châles traîneurs. Moi j'aime la poésie vivante, les vieilles rues qui chantent, les cabanes à moineaux. Moi j'aime siffler tes ritournelles en lavant ma vaisselle, les yeux dans le lavabo. Nuages remplis de paysages, bababam, de folie, de voyage, sous des cieux toujours bleus. Même quand il pleut, moi j'aime les étoiles filantes, quand c'est toi qui les chantes, tout mélodiquement. Moi j'aime ton petit swing à toi tout seul, ta façon de parler vite, vite, vite avec ta fine gueule, tout nostalgiquement. Ménilmontant, mais oui, madame. À la poêle, Michel, on vous a foutu à la poêle. Ah, mais les filles, j'avoue, là, Qu'est-ce que c'est, toutes ces histoires? Ah, merde, là. Ils sont pas quoi ça ce matin? Je prends un kilo, là, c'est trop cher. Ferme depuis demain. Bachule. Salut, Trenet, vieille branche. Après bien des années de travaux souterrains et désintéressés, Delannoy et Dassin ont trouvé par hasard une chanson en or d'un poète inconnu, musique du folklore. Voici le document authentique et complet. Il est intitulé Billy le Bordelais. Dès sa naissance, c'est fou quand on y pense, avec violence, il repoussa le lait que sa nourrice. Une fille sans malice, venue de Suisse, gentiment lui donner. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça boude à la cœur de lion, à condition d'en mettre dans les biberons. C'était un bébé ni bon ni laid, avec des petits mollets, mais déjà le monde l'appelait Billy le Bordelais. Qui Billy le Bordelais? L'enfant terrible avait l'horreur morbide de ce liquide que l'on appelle de l'eau, la plus mauvaise étant la flotte anglaise. Billy à l'aise nous vengea de Waterloo. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion. Ah, qu'il était content de Napoléon. Il dit à Billy, toi tu me plais, pour tout ce que tu as fait, moi je te donne la Bourgogne, Billy le Bordelais. Ça, Billy le Bordelais. Saline, des reines et des tarines, des ursulines, tout le monde est passé. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion, pour pousser les jupons et les cotillons. Avec tous les enfants qu'il a fait, je me demande si tu l'es, ou si je ne suis pas bâtard de Billy le Bordelais. Billy le Bordelais. Messieurs, mesdames, voici la fin du drame. L'adieu aux armes, laissez vos larmes couler. Billy l'unique, Billy le magnifique, cet historique est mort assassiné. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion. Et l'ennemi qui était le pauvre garçon, on lui a glissé devant son verre de l'eau à dose. Il est mort dans un dernier clou-clou. Billy le Bordelou, Billy le Bordelou, Billy le Bordelou, Billy le Bordelais. Envoie. Prince, duc ou marquis, ou monsieur de Bordeaux, ton sang est fait de vin bien plus qu'il ne l'est d'eau. Aussi je te dédie cette histoire attachante, espérant que demain, toi aussi, tu la chantes. Et puis ensuite, à Paris. On l'a fait à Paris, on l'a fait en France, on a pas mal tourné. Et puis après, en fait, on travaille très bien ensemble. Donc Il y a l'alchimie avec les années. Hein. Ouais, tu la connais, donc tu sais où elle va aller. Et on a les mêmes engagements. Le même engagement. Travail, le même engagement. Donc c'est ça que c'est vachement bien, c'est vachement agréable. Et du coup, on a refait ce spectacle à Schitt ensemble. Mais entre temps, on travaille toujours ensemble. J'ai travaillé avec elle sur un livre qu'elle a écrit sur les ateliers de pratique théâtrale, parce qu'on fait beaucoup d'ateliers de pratique théâtrale, c'est important. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire faire des ateliers de théâtre auprès des novices. Différents, ouais. Ok. Plein de milieux différents. Ok, en fait, le boulanger, le commis de départ, peut se retrouver là et tu. De l'enseignement théâtral. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, vous montez une pièce peut-être, vous choisissez une pièce. Ou on choisit une pièce ou des textes, ça dépend. En fait. Et vous montez ça et les amis vont voir le spectacle à la fin Ok. Ah, c'est bon. En fait, voilà. Souvent? Ouais, souvent, ouais. Très, très souvent. Et tu gagnes ta vie beaucoup avec ça aussi? Ouais, pas mal. OK. Ouais. Non, mais c'est important parce que je trouve que c'est bien de... à la fois de jouer comme comédien, c'est aussi enrichissant de travailler avec d'autres personnes. De montrer ce que tu sais faire. Ouais, de transmettre et puis de rencontrer des gens. Parce que moi aussi, c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est aussi pour rencontrer les gens et puis qu'il y ait un vrai échange, quoi. Est-ce que Monsieur Tout-le-Monde est un bon comédien? Ou Madame Tout-le-Monde? Il y en a qui sont très, très bons. Il y en a qui sont même meilleurs que les professionnels, je trouve. Est-ce que tu leur dis, moi je leur dis. Envisage quelque chose, une carrière? Ouais. Ou... Ah oui? Ouais. Et... ça arrive pas très souvent, hein, de ça. OK. Le pourcentage est minime, mais quand même. Ouais. OK. Mais les gens, ce qu'ils veulent à travers ça, c'est quoi? C'est de se comprendre, de... Oui, d'essayer de se comprendre, de... Relaxer, je sais pas. Ouais, et puis de partager, d'échanger des choses, rencontrer des nouvelles personnes. Quand ils arrivent dans un atelier, ils ne connaissent pas forcément les autres. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas non plus. C'est un peu se dépasser aussi. Oui. Ouais. Et d'aller à l'intérieur de soi. Hein. Je ne croyais pas que je pouvais pleurer sur scène. Et c'est les parents, surtout, là, à la représentation, là, qui... Oh, mon petit garçon, je ne croyais pas que... Puis là, c'est devenu la vedette. Après, tu as les parents. Quand c'est des enfants ou des ados... Il y a toujours les parents qui sont là. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas, c'est un acteur, parce qu'à la maison, c'est un vrai clown. Oui, mais ça, c'est classique. Puis des fois, c'est bien ordinaire ce qu'il fait, là. Mais comme c'est l'enfant de, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Est-ce que tu te sens féministe? Est-ce que tu te revendiques féministe? Alors, moi, je me revendique féministe dans le sens où je suis une femme et que ma parole est féminine. Mais. Ce que je trouve le plus intéressant, par exemple, dans le texte de Dépente, c'est plutôt la... Hey, on peut dire le titre, hein? C'est King Kong Theory. Mais voilà. Ben là, voilà. C'est plutôt la défense de l'individu. Essayer de valoriser chaque individu. Et peut-être, justement, avec cette question de masculin-féminin, je pense que ça brouille peut-être un peu les pistes, moi. Et qu'un homme n'est pas si différent d'une femme, et que chacun doit trouver sa liberté, et que c'est pas si évident que ça, quoi. Et pas plus pour un homme que pour une femme, parce que les femmes, on dit, Il y a la société qui est là, qui dit qu'il faut être comme ci, comme ça. Mais les mecs, c'est pareil, quoi. Hein. Il faut être viril. On a un décorum. Voilà, c'est ça. Donc, que chacun trouve sa propre liberté à travers ça, c'est pas si évident. Donc, essayez de travailler là-dessus, quoi. Est-ce que tu l'as rencontrée, Virginie Despentes? Non, je ne l'ai pas rencontrée. OK. J'aimerais bien. OK, mais elle n'a jamais vu cette pièce-là? Non, elle ne l'a pas vue parce qu'en fait, à Avignon, elle était en train de tourner son film Bye Bye Blondie. Oui. Il y a son père qui est venu, qui a vachement aimé et qui nous a dit, je vais dire à Virginie de venir, mais on l'attend là, j'espère. Mais c'est une fauve, hein, donc incontrôlable, un peu comme dans ses textes. Hein. Ouais. Est-ce que tu envisages de faire d'autres écrits de Virginie Despentes ou tu veux passer à autre chose? Écoute, pour l'instant, en fait, le truc, c'est que dans les textes, les autres textes de Virginie Despentes, je sais pas si c'est capable de faire une... Enfin, on est capable de faire une adaptation, vraiment. Tu vois, c'est... Là, ce texte-là, même en le lisant, on disait... Il y a quelque chose à faire au niveau théâtral, quoi. Parce que la prise de parole, elle est quand même directe. Et on peut imaginer tout de suite un personnage. Dans les autres trucs, déjà, il y a plusieurs personnages, c'est des histoires. Et c'est pas... Il faudrait faire des dialogues, tout ça, quoi. C'est pas aussi facile que... Enfin, facile. On a quand même travaillé pas mal là-dessus, mais c'est pas aussi évident, je trouve. Mais est-ce que tu vois cette pièce-là comme un one-woman show ou une pièce de théâtre? Parce que tu es seule sur scène, tu le défends. Ouais, comme une performance un peu... théâtrale, ouais. Parce que c'est quand même... Ouais, c'est un seul en scène, quoi, mais je sais pas comment dire... Parce que c'est toi qui tu es la seule à défendre ça, il y a personne d'autre. Ah ben non. À part l'éclairagiste, parce que tu finis pas par... c'est ton deuxième comédien. Il est avec moi, hein. S'il n'est pas avec moi, s'il me loupe sur... Est-ce que c'est celui qui nous dit bonne soirée? Non. Ok, c'est un autre personne. Okay. Il est sur le côté, en fait. Je salue en face, parce que si je salue comme ça, on va croire que je salue une Oui, ok. Si tu veux, mais en fait, il est sur le côté. Ah, ok, ok. Alors, c'est lui qui coordonne, qui fait jouer les musiques? C'est lui qui envoie les lumières et les musiques. Donc, il faut qu'il soit là au bon moment. On a des tops. Et il faut qu'il les lance au bon moment. S'il se loupe... Alors, il n'y a aucune place à l'improvisation? Peut-être à la gestuelle, improviser, ouais, mais... C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. Je me sers aussi de l'état dans lequel je suis quand j'arrive. Et comment t'étais hier? Tu te sentais comment? Fatiguée? Hier? Pourquoi j'avais l'air fatiguée? Non, je ne sais pas. Non, au contraire. J'étais fatiguée. Ah oui? Ouais. Non, ça ne se voyait pas. Mais en fait... Non, je sais pas, ça dépend... Je sais pas, hier non, je me suis... Mais quand tu commences, tu oublies tout. C'est 55 minutes où tu envoies la purée. Puis, Oui, je me concentre avant en me disant faut que je fasse passer le message, quoi. C'est surtout ça mon truc. Que ça passe, que les gens entendent. Et hier, justement, j'avais l'impression. Il y avait une écoute, plus, hein? Ouais, c'est l'écoute des gens, en fait. Les rires à la bonne place, hein? Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça. Et pas des rires, des fois, t'en as, c'est ils rigolent. Non, intelligemment. Voilà. Mais je chantais l'écoute, quoi. Oui. Les gens étaient. Et puis c'est pas fort. 50 personnes à peu près, hein? 50-60 hier, c'était merveilleux. Ouais. Parce que je vais voir des pièces, là, 2-3. L'année dernière, j'étais seul. Ben ça, c'était merveilleux pour moi, mes pauvres acteurs qui. Mais là, quand il parce qu'il avait des élancés, il était seul sur scène, à chaque fois, le méchant, c'était moi. Et là, ben écoute, je me sentais très bien. Cette pièce-là que tu vas jouer tout l'été jusqu'au mois d'août. Jusqu'au 1er août, ouais. Oui. Est-ce que tu vas le reprendre ailleurs? On espère, ouais. Moi, j'espère qu'on la reprendra ailleurs. Moi, c'est une parole que j'ai envie de porter. Donc, plus il y aura de gens qui le verront. Et je trouve ça. C'est là qu'elle est la démarche féministe, si je puis dire. Oui. C'est-à-dire que. C'est. Faire entendre une parole que je trouve juste. Voilà. Et très actuel. Ouais. C'est quand même un livre... 2006. Quand même. Ouais. Quand même. Ça vieillit pas. Non, hein, non, mais c'est tout récent aussi, 2006. Ouais. Là. Mais est-ce que tu écris? Est-ce que tu te vois préparer quelque chose comme tu le fais là, en solo, avec tes mots, avec ta... Ben, j'écris. Ça fait un petit moment que je voudrais faire un truc comme ça. Un one-woman show? Ouais. Qui parlerait aussi de mon histoire et, par exemple, de ma place effectivement particulière... entre mon père, mon père algérien, ma mère slovène. Oui, l'histoire d'amour que tu m'as racontée. L'histoire d'amour que je t'ai racontée. Ben oui, avec ton père. Entre mes parents. Ben oui. Ben oui, tout ça. Bon, tu m'as pas raconté d'autres histoires d'amour, hein, les tiens. Moi, je croyais que tu savais parler de mes histoires d'amour. Non, mais si tu veux, vas-y, hein, vas-y. Okay, non, oui. On pourrait avoir un petit côté elle ou je sais pas, ok. C'est ça, Châtelaine. Avez-vous ça, Châtelaine? Châtelaine, non. Ok, c'est comme le L. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Donc, ah, ben, c'est typiquement québécois. Châtelaine, je c'était francophone. Donc, c'est ça, tu. Est-ce que tu vois aussi un univers chanté? Oui, oui, oui, parce que moi, je fais du chant, enfin de la danse. Dans le spectacle avec Cécile Sheets, c'est un spectacle avec des chansons. Donc, on chantait, on a même fait un CD et tout ça. Un CD? Ah oui, un CD? Ouais, ouais. Ok. Ben, je pourrais te le... Non, mais que je peux trouver. Non, tu peux pas le trouver. Ok. C'est en édition limitée, je peux te le filer. Ok. Si tu reviens au théâtre, j'en prendrai un, je te filerai. Il n'y a pas de problème. Ah, ok. Et donc, ouais, non, c'est avec de la chanson, de la danse. Enfin, en fait, moi, mon truc, c'était vraiment... Une comédie musicale. Comédie musicale. Ouais, c'est ça, je voyais. Mais pas genre... Starmania. Les... Non, ouais, pas vraiment. Pas forcément Starmania, non. Un peu plus... Urbain. Ouais, un peu plus urbain. Underground. Ouais. one more time. I was born in this hotel, washing dishes in the sink, magazines and free soda, trying hard not to think. Lay it on to the dawn. Everything we done is wrong. I'll be lonesome when I'm gone. Lay it on to the dawn. She can talk to squirrels. Coming back from a convalescent home. Staring at sports cars. Crying. Rattlesnake on the ceiling. Gunpowder on my sleeve. I will live here forever with the ocean and the bees. Lay it on to the dawn. Everything we've done is wrong. I'll be lonesome when I'm gone. Lay it on to the Ça, c'est vrai. Puis il ne faut pas l'oublier. Jim Morrison. Il a déjà parlé de l'émission Errance canadienne. Le saviez-vous? Ben non. C'est sans doute une histoire de ta, de ton cabochon. Mon cabochon, lequel? L'animateur. Non, c'est pas un cabochon. C'est pas un cabochon, petit patapon. C'est un pauvre ami. Très pauvre. Ouah, ouah, ouah. Pauvre de bois. Ouah, ouah. C'est qui, lui? Ben, c'est nous, là. OK. Comment allez-vous? Allez-vous chercher de midi à 14 heures? Comme on est une émission de nuit, on va chercher de minuit jusqu'à 2 heures du matin. Oh, et puis? Il y a des choses extraordinaires. Histoire du cavalier seul. Oh, alors allez-vous nous le narrer? Narrer. Oui, bien, nous le raconter. Oui. C'est l'histoire du cheval qui portait sur son dos une espèce de galoche. Oh! Qui ne voulait pas devenir adulte. Oh! Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Absolument rien. Il le promenait partout. Partout. Il s'est dit, on va le rendre adulte, cet individu-là. On va le promener partout dans la forêt. Partout! Arrête de dire partout. Non, mais quand je t'ai dit, dans tout azimut. Oh non, je suis allé là, moi, en 97. Et puis, ah, je me suis perdu. Hey, j'avais même pas de boussole, là. De qui? De boussole. Boussole. Oui, j'étais au sol, mais il n'y avait pas de bousse. Parce que moi, je fonctionne au flair. Je suis comme le chien. T'es comme un chien. Moi. À quatre pattes. Puis il faut que je trouve la senteur de l'humanité. Ça sent quoi, l'humanité? Ça sent la bousse. OK. Et si je trouve rien, j'arrive à rien. C'est clair, ça. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Exactement ça, mon petit numéro un. Mais... moi, je suis comme perspicace, moi. T'es comme perspicace? Oui. Je ne connais pas, c'est qui? C'est un grand penseur, philosophe des années 20, qui est mort en 22. Donc, il a vécu de 20 à 20, de 1920 à 1922. Donc, pendant deux, jusqu'à l'âge de zéro jusqu'à deux ans. Il a écrit 18 livres. T'es-tu malade? Un petit peu. Je fais de la fièvre à 350 au four, pas d'oignon. Oh, mon Dieu! Ça va bien se passer, je te le dis. Alors, lui, il, à la naissance, il était déjà à pleine capacité intellectuelle. C'était pas comme aujourd'hui, tu bébé, gigi, petit caca, pipu, bébé, ben oui, non. Et il y a deux jours, il disait: maman, je dois te reprendre. Je ne veux plus de ce téton. La femme, aujourd'hui, est extraordinaire puisqu'elle nous aide à extrader l'émotion. Elle a la mère extradée, elle est deux jours. Là. Elle a s'imaginé. Même pas, là, deux jours. Mais là, non, elle est extradée. Elle dit wow, wow, wow. Pas de bac à l'université, moi, là, là. Lâche-moi ça. Et là, là, il a dit: pour toi, maman, qui n'a pas trop de connaissances générales, je te rédigerai le manuel de l'existence. Un manuel. Elle s'imaginait que c'était un film porno. Quoi que ce n'est pas porno, c'est érotique. Emmanuel. Pas Emmanuel. Manuel. Et là, la mère était désordonnée dans sa tête. Là. Elle cherchait le poêle dans le frigo. Puis elle se disait: pourquoi ça chauffe pas? Ben, c'est normal, tu l'as mis dans le congélateur. Ses pensées étaient très, très, très mélangées. C'était comme un sapin de Noël, mais qui l'aurait pu. Qui l'aurait pu. OK. Et puis, ben, et puis c'est ça. Là, trois jours, là, à l'âge de trois jours, ici, pour ma mère, en fait, pour l'évolution de l'humanité, donc pour ma mère aussi, je vais balancer au peuple mon savoir universel. Puis pendant ce temps-là, mon père fera la vaisselle, puis ma mère, ben, s'abeuvera à mes mots, puis elle écrira. Parce qu'il s'est dit, moi, je suis comme Duras, moi, je dicte. Je vais trouver mon Warren Chun Restring. C'est qui ça? Ça, c'est un monsieur qui aimait Marguerite Duras à la fin de sa vie. Et qui l'a suivi, il avait 23, 24 ans, puis elle avait 98, 250 ans, puis il y avait comme une sorte de entre les deux, là, mais surtout lui. Il était, elle a dit: oh, c'est moi, la grande Marguerite, Marguerite, oh, je t'aime, m'aimes-tu, mais là, il s'est dit: hey, voyons là, Marguerite, là, arrête-moi ça, oh! Que de tracas dans Marguerite Duras. Non, non, non, non. Je suis une intellectuelle et je connais le bébé de deux ans là, qui écrit des livres et des livres là, jusqu'à la fin de ses jours. Là. Enfin, ses jours, ce fut deux ans. Deux ans moins un jour. Donc, c'est, après ça, c'est la prison provinciale. Hein? C'est pas fédéral. Là. Deux ans plus un jour, ouais, je te le dis. Mais il a tué personne, lui, là. Là. En fait, il a tué plusieurs mots dans sa vie, dans sa courte vie de 352, 604 jours. OK. Mais... t'sais, on vante beaucoup, pas Proust, mais l'autre là, qui a écrit, je l'ai dit il y a une semaine, de la poésie jusqu'à 18 ans, Rimbaud. Mais là, est-ce que vous connaissez quelqu'un, un individu, un intellectuel qui a rédigé toute sa connaissance pendant deux ans, et c'était les deux années de sa vie? Et lui, il t'était plus, mais en fait, il t'était les mots. Puis là, il est rentré dans des films, dans des univers, dans des littératures extraordinairement extravagantes pour sa jeune existence, là. William Burroughs, le Big Band Brother. Hey, comment ça? C'est qui le Big Band Brother? Ben, c'était les frères Blues, là, mais avant, ils s'appelaient les Big Bang Brothers. Ça ressemblait un peu à ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a deux jours, il riait de moi parce que je bégayais. Là, je vivais des tumultes intérieurs. Là. Je me disais, suis-je un acteur ou suis-je un chanteur? Suis-je un tricoteur? Ou si hein, mes mains sont-elles d'une moiteur? Pour hein, de la cave, je ne pourrais pas... Je ne sais plus. Là, j'étais mélangé. C'est ça, mais je me suis... Dans ma tête, là, parce que j'en ai une très minimaliste. Mais je me suis dit, c'est ça quand tu te mets dans le... Comment t'appelles ça? Dans, où tu mets dans la sécheuse. Tu te fais tourner, puis après ça, tu sors de là. Bii, tu te souviens plus de rien. Bii, t'es tout mêlé. Bii, là. C'est ça quand tu vis dans la sécheuse. La morale de l'histoire, et puis de mon petit gugus de 2 ans, là, c'est que même si tu sais des choses, garde-le donc pour toi, parce que je pense que le peuple est pas prêt à recevoir tout ça. Ils sont trop occupés à faire la guerre, puis à tenter de s'apprivoiser. Puis, quand tu as des connaissances un peu trop élaborées, reste tranquille. Trouve tes personnalités, les gens qui sont comme toi. Puis il y en a très peu, là, peut-être même pas 0.1%. 0.1, moi je fais 0.06, je me suis arrêté par la police, puis il faisait froid en s'il vous plaît. Comment ça? Ils m'ont placé dans le panier à salade, mais du côté réfrigération. Ouais. Ben moi, j'étais pas habillé en conséquence. Et puis, j'arrêtais pas d'éternuer, de pleurer. De pleurer, ben j'étais... ils ont fait rentrer là-dedans un arbre. Ah non, pas celui-là. Ben oui. Avec le saule, je pleurais. Et puis, tu étais... J'étais un saule inconsolable. Mama told me. Quand elles entreprennent quelque chose. Il y a une fierté de domestique à devoir avancer entravée. comme si c'était utile, agréable ou sexy. Une jouissance servile à l'idée de servir de marchepied. Ushkadara is the name of a little town in Turkey. And in Ushkadara they have very many strange ways. Along with these strange ways go very many strange sayings. And one of them is Binusmara Fustukule Karavaisaraida. It means I like to feed my lover bird's milk. On est embarrassé de nos puissances. Toujours fliqués par les hommes, qui continuent de se mêler de nos affaires et d'indiquer ce qui est bon ou mal pour nous. Mais surtout par les autres femmes, via la famille, les journaux féminins et le discours courant. Il faut minorer sa puissance. Jamais valorisée chez une femme. Compétente veut encore dire masculine. Quand de toutes parts, la virilité des femmes est méprisée, désignée comme néfaste, les hommes auraient tort de se réjouir ou de se sentir protégés. C'est autant leur autonomie que la nôtre qui est remise en cause. Contrairement à l'idée que beaucoup d'hommes se font, toutes les femmes n'ont pas une âme de courtisane. Certaines, par exemple, ont le goût du pouvoir direct. Celui qui permet d'arriver quelque part, justement, sans avoir à sourire à trois vieux machins, en espérant qu'ils vous feront engager comme ceci ou vous confieront cela. Le pouvoir qui permet d'être désagréable, d'exiger, d'être tranchante. Pas plus vulgaire exercé par une femme que par un homme. Les hommes se montrent indulgents quand il s'agit de domination machiste. Ils sont nombreux à vouloir expliquer que le combat féministe est un sport de riche. Faut être crétin pour trouver une oppression insupportable et juger l'autre pleine de poésie. Crétin ou seulement malhonnête. La journée pour payer le ferry en faisant la manche. Quand on arrive à Calais, la nuit est déjà bien tombée. Pendant la traversée, on a cherché des gens en voiture qui nous rapprocheraient. Deux Italiens, plutôt beaux, qui fument de l'herbe, nous déposent aux portes de Paris. On se retrouve en pleine nuit et de station essence, quelque part sur le périphérique. On décide d'attendre que le jour se lève et les routiers avec, pour trouver un camion qui irait direct sur Nancy. Sur le parking, dans le magasin. Voiture de trois Lascars, blanc, typique banlieusard de l'époque. Hein. Pierre, Pétard, il est question de Renault, le chanteur. Comme ils sont trois, on refuse de monter avec eux. Ils se donnent la peine d'être vraiment sympas, faire des blagues et discuter. Ils nous convainquent que c'est trop bête d'attendre à l'ouest de Paris, alors qu'ils pourraient nous dropper à l'est où ce sera plus facile de trouver quelqu'un. Et on monte dans la voiture. Au moment où les portières claquent, on sait déjà que c'est une connerie. Mais au lieu de hurler, on descend ! Les quelques mètres où il est encore temps, on se dit chacune dans notre coin qu'il faut arrêter de paranoïer devant des violeurs partout. Ça fait plus d'une heure qu'on parle avec eux. Mais ils ont juste l'air de branleurs, amusants. Vraiment pas agressifs. Pendant que ça se passe, ils font semblant de ne pas savoir exactement ce qui se passe. Parce qu'on est en mini-jupe, une cheveu vert, une cheveu orange, forcément on baisse comme des lapins. Donc le viol qui est en train de se commettre n'en est pas tout à fait un. Comme la plupart des viols, j'imagine. Moi, j'imagine que depuis, aucun de ces trois types ne s'identifie comme violeur. Car ce qu'ils ont fait, eux, c'est autre chose. À trois, avec un fusil, contre deux filles qu'ils ont cognées jusqu'à les faire saigner pour du viol. À la preuve, si vraiment on avait tenu à pas se faire violer, on aurait préféré mourir. On aurait réussi à les tuer. Celles à qui ça arrive, du point de vue des agresseurs, tant qu'elles s'en sortent vivantes, c'est que ça ne leur déplaisait pas tant que ça. Trois ans plus tard, une fille que j'aime beaucoup se fait violer chez elle, sur la table de la cuisine, par un type qui l'a suivie depuis la rue. Le jour où je l'apprends, je travaille dans un petit magasin de disques, dans le Vieux-Lyon. Les quais saules, le pont, les façades des maisons, ça m'a toujours tapé à quel point c'était beau. Et ce jour-là particulièrement. J'ai fermé le magasin, je suis partie marcher. Ça m'a plus révoltée que quand ça nous était arrivé directement. J'ai compris à travers son histoire à elle que c'était quelque chose qu'on attrapait et dont on ne se défaisait plus. Inoculé. J'avais 20 ans quand ça lui arrivait. Je tenais pas à ce qu'on parle féminisme. Pas assez punk rock, trop bon esprit. Après son agression, je me suis ravisée. Et j'ai participé à un week-end de formation de Stop Viol. Ça avait à peine commencé que déjà je râlais dans mon coin. Pourquoi on conseillerait à qui que ce soit d'aller porter plainte? Aller chez les keufs, à part pour faire marcher l'assurance, j'avais du mal à voir l'intérêt. Se déclarer victime d'un viol dans un commissariat, je pensais instinctivement que c'était se remettre en danger. La loi des flics, c'est celle des hommes. Puis une intervenante a expliqué qu'une femme qui parle de son viol commence par l'appeler autrement. N'importe quoi! Pourquoi elle ne dirait pas ce mot? Mais qu'est-ce qu'elle en sait, celle qui parle? Elle croit qu'on se ressemble toutes, peut-être? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, jusque-là? Les rares fois, le plus souvent bien bourré, où j'ai voulu en parler, est-ce que j'ai dit le mot? Les rares fois où j'ai cherché à raconter ce truc, j'ai contourné le mot viol. Agresser, embrouiller, se faire serrer, une galère, whatever. Car du moment que tu appelles ton viol un viol, c'est tout l'appareil de surveillance des femmes qui se met en branle. Tu veux que ça sache ce qui t'est arrivé? Tu veux que tout le monde te voie comme une femme à qui c'est arrivé? Et de toute façon, comment peux-tu en être sortie vivante sans être une salope patentée? Une femme qui t'aidera sa dignité aurait préféré se faire tuer. Ma survie, en elle-même, est une preuve qui parle contre moi. Car il faut être traumatisé d'un viol. Il y a toute une série de marques visibles qu'il faut respecter. Peur des hommes, de la nuit, de l'autonomie, des goûts du sexe et autres joyeusetés. On te le répète sur tous les tons. C'est grave. C'est un crime. Les hommes qui t'aiment, s'ils le savent, ça va les rendre fous de douleur et de rage. Mais le conseil le plus raisonnable, pour tout un tas de raisons, reste, garde ça pour toi. Étouffe donc. Crève salope, comme on dit. Alors le mot est évité, à cause de tout ce qu'il recouvre. Dans le corps des agressés, comme chez les agresseurs, on tourne autour du terme. C'est un silence croisé. Parmi les réactions que le récit de mon histoire a suscité, il y a eu celle-ci. Et t'as fait du stop encore après? Parce que je racontais que je ne l'avais pas dit à mes parents, de peur qu'ils me bouclent le triple tour pour mon propre bien. Parce que oui, j'ai refait du stop. Moins pimpante, moins avenante. Mais j'ai recommencé. J'ai continué d'arriver dans des villes où je ne connaissais personne. De rester seule dans des gares jusqu'à ce qu'elles ferment pour y passer la nuit. Ou de dormir dans des allées d'immeubles en attendant le train du lendemain. De faire comme si je n'étais pas une fille. Et si je n'ai plus jamais été violée, j'ai risqué de l'être 100 fois ensuite. Juste en étant beaucoup à l'extérieur. Ce que j'ai vécu à cette époque, à cet âge-là, était irremplaçable. Autrement plus intense que d'aller m'enfermer à l'école, apprendre la docilité, ou de rester chez moi à regarder des magazines. You'd better walk it and talk it less you lose that beat. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com. Ou vous joindre à son réseau social, Facebook, en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.